conçue par l'association Pene de Yaoundé, sous l'idée originale de M. Tiamna Rodrigue et de Mama Yumbi Florette, soutenue par les inspecteurs de la langue Fefe, Papa Ngatieu Maurice et Papa Tchambok Raphaël, ce didacticiel a pour objectif de comprendre et de parler la langue Fefe, non seulement aux débutants, mais aussi à ceux qui ne maîtrisent pas cette langue. Il est structuré comme suit. Un dictionnaire vous permettra d'avoir un vocabulaire solide pour affronter les différentes leçons. Le chapitre 1 est subdivisé en deux leçons. La première leçon du chapitre 1 concerne le corps humain, les nombres de 0 à 10, les pronoms personnels et les pronoms possessifs. La deuxième leçon porte sur les salutations, l'expression des besoins, la demande de faveur, les interrogations, les membres de la famille, les parties et les objets d'une maison. Un examen du chapitre 1 vous permettra de passer au chapitre 2, subdivisé en deux leçons. La première portera sur les temps verbaux et les auxiliaires. La deuxième sur le pluriel des mots et la négation. Un examen du chapitre 2 vous conduira au chapitre 3, subdivisé en deux leçons, dont la première concerne les nombres de 11 à 100 et quelques règles de conjugaison. La deuxième leçon portera sur les règles d'hygiène et d'intonation. Après l'examen du chapitre 3, le chapitre 4 vous permettra de converser en langue Fefe, d'écouter quelques histoires et proverbes. Nous espérons et nous souhaitons vivement dialoguer avec vous en langue Fefe à la fin de ce CD-ROM. Allez, bon courage et persévérance. Ngwe Cameroun chu po manganju lonte chunge manga sisi po se wu pazunam la lengwezo chu manda si lengwengwe lom chu pen chu bangun shun shu mankwe pumbo wala fu kengenda Funtom na pim bien na besoin chouchou. Bre la femme bo siembe yon kwe ouwa. Bre la cho yon fan kwe nche wa. Tenvra la yo, tenvra cha yo. O siembe kwe yo mre undinde. Kwe yo chasi, pin kwe yo ve, kwen kwen nimbo mbangu mwankuni. Rela yo, rela po menganju. Rela yo mbe denda puni. Uwe kwe rezi mba puni kwe ndenda ble. Uwe re zimbi mama. Uwe la re zinan tuwa. Uwe la re zinan fiat. Re la yombe denda pouni. La re zon te pumbu. La re zon sienke. La re zon chechap. La re zon sanu. Re la yombe denda pouni. La raison d'Awen, la raison qu'au Sinjou, la raison qu'au Sinjou, la raison qu'au Simenou, la raison c'est si punkre soukou, la raison d'yon chipo menganju, re la yombe denda pouni, re raison ba po menganju la re la. Re zomba mbu nambu ul aru la. Re zomba teni jende la. Re zomba mvundu meni la. Re zomba chinde happy la. Re zombi ndrampa mba nkaji la. Re zomba fesi nkab la. Re zomba mkwa waweshu. Rela yombe denda pouni. Dictionnaire pour débutants. Accepter. Mben. Accompagner. Ncha. Accoucher. Nzi. Accrocher. Ncho. Oncha. Accuser. Nkom. Acheter. Njuen. Additionner. Ntui. Adulte. Njatle. Âge. Ngounze. Aider. Nkosi. Aiguille. Sa. Aiguiser. Nchue. Aimer. Nkwe. Ajouter. Ntui. Aliéner. Mbua. Aller. Ngen. Allô. Waya. Allumer. Ndu. Amener. Nansa. Amer. Ndi. Ami. Sen. Amour. Nkweni. An ou année. Ngu. Anana. La. Ancêtre. Menganju. Ancien ou vieux. Mve. Animal. Ne. Antilope. Nga. Anus. Mbokten. Apparaître. Mwa. Appeler. Ntche. Applaudir. Mbu umbu. Apprendre. Nji ici. Appuyer. No. Arachide. Mbia. Arbre. Tu. Arracher. Nsa. Oncho. S'arrêter. Nten. Arriver. Nsa. Asseoir ou s'asseoir. Sisie. Assiette. Ka. Association. Kwesi. Onjokum. Attaché. Nkwa. Attaquer. Nchok ncha. Onkamcha. Attendre. Mbua. Attention. Faire attention. Peu. Attiser. Mfwa. Attraper. Ngou. Aucun. Seya. Oseu. Augmenter. Ntui. Aujourd'hui. Zé. Autre. Mo. Autrefois. Nchombi. Om ontie. Avaler. Mi. Avancer. Ngembi. Avant de. Te. Avant-hier. Njamzewa. Avec. Pi. Avocat. Chiendok. Avoir. Nangu. Bagar. Nkwa. Baillé. Ndje. Se balader. Nkasi. Onge. Balai. Sanjo. Balancer. Hamsi. Bambou. Ndok. Bâton. Nchu. Battre. Vam. Bavarder. Njouasi. Beaucoup. Ye. Bébé. Moufi. Baigner. Makala. Bénir. Njo aussi. Bercer. Nji on comme si. Bien ou bon. Paix. Bientôt. Menda. Blanc. Feutap. Blessure. Fuck. Bœuf. Hé. Boire. Nous. Bondir. Ndat. Bonjour. Nzele. Ombe mbe fonze. Bonsoir. Mbe mbe mboanze. Bouche. Nchou. Bou. Ntunto. Bouillir. Fi. Branche. Mbotu. Briser. Mboua. Brûler. Ntou. Cacher. Ndu. Cadavre. Fu. Cadet. Nga anjam. Osi injam. Cahier. Pounche. Canne à sucre. Nkunku. Carrefour. Ncho. Ontanji. Cassé. Nchat. Ombua. Cendre. Vu. Sang. Nku. Cerveau. Njuchu. Chacun. Mbowala. Chagrin ou souffrance. Nga. Onzenzen. Chaise. Lac. Chambre. Ntamje. Ontonje. Champ. Go. Champignon. Po. Chance. Zi. Ombezi. Changer. Nchop. Chanson. Nchi. Chanter. Njonchi. Chapeau. Chia. Chaque ou chaque jour. Nkwelie. Charbon. Chichemo. Chasse. La chasse au gibier. Vu. Chasser ou faire la chasse. Nka vu. Onjok vu. Chasser quelqu'un ou quelque chose. Njok. Chat. Ngundom. Chatouiller. Ngasi. Chaud. Ndom. Chauffer. Ndom si. Chaussures. Nchat. Chaud pour la maison. Mbu. Chef. Fu. Chemin. Menji. Chenille. Nounou. Chercher. Nchak. Cher ou coûteux. Nten. Ontenvak. Cheval. Neulak. Cheveux. Nokchou. Chèvre. Mvi. Chez. Où. Chez nous. Où pas. Chiche. Ngua. Chien. Mvua. Chier. Ni. Chimpanzé. Pour encore. Chose. Où. Chuter. Ncho. Oncho sien. Ciel. U. 5. Ti. 50. Munti. Ciseaux. Sisiasi. Clair ou propre. Nde. Clamer son innocence. Njou. Clé. Kindje. Ochonje. Climat. Nde. Clou. Nde. Cloué. Ntui. Cochon. Ngune. Cœur. Mbantam. Cogiter. Merci. Cogner. Ncham. Colère. Yantu. Coller. Ndia. Colline. Kukok onchen. Combien. Su. Comme. Pas. Commencer. Nto. Comment. Melaha. Compter. Nsa. Concasser. Nchi. Conclusion. Nchiatok. Concours. Kusi. Concurrence. Ma. Conseil. Nte. Conseiller quelqu'un. Ntewen. Conséquence. pi. Continuez. Mbangu. Coq. Kra. Corbeille. Que. Corde. Nku. Corne. Nde. Corps. Mfuna. Corriger. Ntehe. Ontembia. À côté de. Ngak. Coton. Nda. Cou. Chite. Coucher ou se coucher. Ne. Coudre. Ntam. Coupe-coupe. Ni. Couper. Ntue. Cour ou la cour. Nchundia. Courageux. Tuinawen. Courir. Krundia. Course. Nkundia. Cours. V. Couteau. Pied. Coutume. Ma. Ok. Couvercle. Cop. Couvrir. Nkopsi. Crabe. Que. Crachat. Ntie okuka. Cracher. Ntuntie. Cré. Mbu. Crané. Ntua. On fiat. On kasi. Creuser. Ntok. Crier. Ntui. On te. Crochet. Ngwo. Croire. Nkwa. Croiser ou rencontrer quelqu'un. Mbom. Croître ou grandir. Ntui. Croix. Fa. Croquer. Mfat. Cru, qui n'est pas cuit. Mbe. Cueillir. Nko. Cuillère. Lou. Cuisine. Njole. Cuit. Pi. Cultiver. Njunyo. Dame ou femme mariée. Njue. Dame Jeanne. Njok. Damier ou Ludo. Nda. Danser. Nakshi. Onzenshi. Date. Lienzo. Debout. L'ossier. Débrouiller. Nga. Débroussailler. Ntu. Débuter ou commencer. Nto. Décembre. Clissimi. Déchauffer. Nchoncha. Déchiqueter. Nsi esi onchi isi. Déchirer. Nha. Dedans. Mu. Ontam. Défaut. Mbia. Dehors. Nz. Déjà. Ya. Déjeuner. Nchuantie. Demain. Wuhu. Demander ou alors questionner. Ntesi. Demi. Nkam kendok. Demoiselle ou jeune fille. Ngou. Dans. Se. Dépanner ou réparer. Nya. Dépasser. Nchia. Dépêcher. Se dépêcher. Mwa. Ombusi. Déplacer. Mfusi. Déplier. Nchia. Déposer ou poser. Njosie. Déranger ou gêner. Ngazu. On va si. Dernier. Ndesiwen. Dernier né. Nchadmu. Derrière. Njam. Descendre. Mfi. Désert. Yomkwa. Déshabillé. Nchonji. Dessous. Ten. On fessier. Dessus. Ndom. Détaché. Nchie. Détester. Mbe. Détruit. Ombapsi. Dette. Njo. Deuil. Wo. Deux. Pua. Devant. Mbi. Devenir. Njie. Déverser. Mfi. Devoir. Mfa. Diarrhée. Chouchou. Dictée. Yuntie. Dieu. Mbou osie. Difficile. Ten ora. Dire. Nge. Diviser ou partager. Ngasi. 10. Ram. 18. Nchohem ram. Doua. Nchombo. Domicile. Mbe. Donner. Dorloté. Hanko. Dormir. Ndje. Do. Nku. Doucement. Nda nda. 12. Nchopum ram. Droit. Nkendak. Dur. Nga. Durée. Nsi. Écaille. Ra. Échanger. Nchop. Éclairer. Ndu. École. Soukou. Écolier. Nga ngwani. Écorce. Kop. Écouter. Njou. Écraser. Ngosé. Onziasi. Écrit. Mwa. Écureuil. Nkendok. Effacer. Nchua. S'efforcer. Nga. Onchina. Égal. Kendok. Égoïste. Nga. Égorgé. Nchimi. Égrené. Njou. Élection. Ntonto. Éléphant. Su. Élève. Ngangwani. Elle. A. Embrasser. Nkoksi ontasi. Emprunter. Nho. Enchaîner. Nchok. Encore. Mbat. Endroit. Zu. Enfant. Mu omen. Enfanté. Nzimu. Enfermé. Enflé ou gonflé. Nya. Ongu. Enfoncé. Nsof. Engagement. Penou. Ennemi. Ngape. Ennui. Nganga. Enseigner. Njisi. Entendre. Njou. Entrer. Ncho. Onkwen. Une envie. Nje. Onjeu. Envoyer. Ncha. Éparpillé. Ntasi. Épilepsie. Wa. Épine. Nje. Épluché. Njam. Épousé. Nde. Erreur. He. Escargot. Ta. Essuyer. Nchoa. Et. Pi. Éteindre. Mbe. Éternuer. Ntue. Étoile. Sa. E. Po. Éviter. Njoksi. Ombe. Exemple. Fogne. Exercice. Mfa. Se fâcher. Njantu. Facile. Yale. Façon. Mbua. Façonner. Mbou. Fad. Pa. Fago. Nzok. Onchua. Fin. Avoir faim. Njeku. Feignant. Ou paresseux. Nde. Faire. Ngu. Fantôme. Yewen. O. Rawen. Fatigué. Mbuo. Félicitations. Pen. Femme. Mjue. Fendre. Nse. Fenêtre. Mbok njue. Faire. Ntene. Fermer. Njue. Fesse. Ten. Fête. Chassi. Fétiche. Ncho. Feu. Mo. Feu. Défunt. Mfu. Feuille. Nche. Opahu. Ficelé ou attaché. Nkwat. Figure ou visage. Si. Fil. Nda. Fil ou rangé. Nka. Fille. Ngu. Omengu. Fils. Mewe yimba. Filtré. Ncha. Oncha si. Fini. Mie. Finir. Me. Flatté. Mba si. Fleur. Nse. Fœtus. Diasi. Une fois. Nchamchu. Onkanchu. Folie. Pua. Folle. Ou fou. Mbua. Fonctionnaire. Nga enfangomna. Football. Mbonku. Force. Ngu. Forcer. Forcer quelqu'un. Newen. Forger. Nde. Forgeron. Chile. Homme forgeron. Tal. Être fort. Chutok. Fouetter. Mvam. Fourmi. Du. Foyer, lieu où on a fait le feu. Timo. Français. Flancy. Frapper. Ncham. Fréquenter quelqu'un. Ngewen. Le frère. Mema. Frigo. Njofo. Frimer. Ntoa. Onkasi. Fri. Nka. Froid. Fort. C'est froid. Yanni. Refroidir. Nisi. Frontière. Ndu. Fruit. Ntechu. Fuir. Nkua. La fumée. Ndimo. Faire les funérailles. Ndewa. Fusil. Nga. Fusiller. Ntamga. Futur. Ntiesa. Gagner. Nzo. Garçon. Mba. Garder. Ndo. Gardien. Mbuazu. Gâter ou pourrir. Pied. Gâter. Mbapsi. Gauche. Tcho. Gazelle. Nga. Géant. Sa. Gémir. Nchen. Gendre. Nsi. Gêner. Nga. Génération. Ngwe. Généreux. Être généreux. Mbentu. Genou. Zok. Les gens. Punok. Gentil. Njantu. Ici. Se. Idée. Kwasi. Idiot. Kinken. Ignam. Lyo. Oku. Imiter. Mfuasi. L'imparfait. Ncheto. Incliné. Mbe. Indépendance. Njipur. Indiquer du doigt. Nsie. Insecte. Sisiente. Insulter. Ndok. Onchanchu. Intelligence. Jinu. Intelligent. Njinu. Interdiction. Chia. Intérieur. Nu. Ontam. Interrogation. Tessinu. Interroger. Ntessi. Intestin. Nto. Inventer. Nyantio. Inviter. Nche. Jalousie. Nde. Jaloux. Nga nde. Jamais. Silamba. Jeter. Ngwa. Je. Sio. Jeune. Ngwewen. Jouer. Ngusio. Jour. Lie. Journaliste. Sienken. Juge. Nda ancha. Juger. Nda. Jujube. Ndendam. Jumeau. Pouni ong anjo. Juré. Nungu. Cola. Pi. Laissez. Nok. Lampe. Lambo onka. Lancer. Ma. Langue. Lame. Lame. Nchine. Laver. Nso. Lécher. Nzok. Le son. Siesi. Légende. Nini lasi. Léger. Nja. Légumes. Nja. Lamchou. Main. Waha. Owu. Lang. Ni. Lentement. Nda nda. Lequel. Ya. L'être. Mwani. L'heure. Ya. Se lever. Ndosye. Lèvres. Kukomchou. Les arts. Que. Lien. Dieu. Lieu. Zu. Ligne. Nka. Ligoté. Nkwa. Limé. Nchue. Lion. Le ciment. Lire. Nche. Li. Kwenja. Livre. Pumwani. Loi. Chia. Long. Sa. Lourd. Nza. Luciole. Sa. Lui. Yo. La lumière. Nka. La lune. Mengu. Lunette. Yisi. Lutte. Nkwa. Lutter. Nchi en quoi? Ma. Ya. Mâcher. Nke. Machette. Ni. Maçon. Nkwambe. Magicien. Ngansio. La magie. Nsio. Main. Po. Mais. Ndama. Maïs. Ngofat. Maison. Pe. Mal. Sipe. Malade. Ngu. Maladie. Ouhou. Malchanceux. Pezi. Malédiction. Ndou. Maman. Ma. Mamelle. Pe. Manger. Nza. Manioc. Que ça là. Le marché. Nte. Marché. Nak. Marie. Ndou. Mariage. Lundi. La marmite. Choc. Mars. Mbangofat. Massé. Nset. Matin. Fonze. Maudire. Njou. Le médecin. Ngaka. Médisance. Nde. Mélanger. Nkwesi. Même. Mbe. Mendiant. Ndoudi. Mensonge. Chouanou. Merci. Mben. Mère. Ma. Mesure. Fua. Mesurer. Mfua. Maître. Nja. Midi. Njena. Miel. Mwa. Milieu. Ticha. Mille. Ncha. Mille pattes. Ngwengwe. Million. Nchu. Mince. Nga. Miracle. Chenou. Miroir. Yisi. Misère. Nga. Moi. Mu. Le moi. Mengu. La moitié. Kamkendok. Moment. Nche. Mon ou ma. Ya. Monde. Ngwe. La montagne. Ntuen. Okukok. Monter. Nko. La montre. Nam. Montrer. Ndasi. Le morceau. Pa. Okam. Mordre. Ndom. La mort. Wo. Le mortier. Zok. Mou. Pois. Mouche. Njinji. Le mouchoir. Fifat. Mouillé. Ndat. Mourir. Nkwa. Moussé. Mfi. Moustache. Njinchou. Le mouton. Njinje. Moyen. Mbua. Musicien. Njonshi. Nager. Nanshi. Nain. Yat. Naté. Mba. Nettoyer. Nchwa. Neuf. Fi. Neuf. Vu. Ni. Nke. Noir. Si si on sept. Non. Zen. Le nombre. Mvak. Nombreux. Yeu. Non. Tenje. Le nombril. Te. Non. Nga. Nonchalant. Nounouen. Le nord. Njapke. Le notable. Nkap. Notre. Yo. Nourrir. Nchi. Nous. Po. Le nouveau-né. Mufi. Nouvelle. Nken. Novembre. Nkwonyo. Le noyau. Mba. Nuage. Ndouale. La nuit. Tu. Obéis. Youni. Objet. Ou. Obligé. Sikwenkwe. Obscur. Sen. Obscurité. Njam. Octobre. Nz. Odeur. Yat. Œil. Z. L'œuf. Mboum. Offrir. Nha. Oignon. Piana. O agnosi. Oindre. Nsi. L'oiseau. Sac. L'ombre. Nini. Ongle. Nkop. Onze. Nchonchumram. Orange. Poma. Ordure. Razou. L'oreille. Ntok. Originaire. Mia. Origine. Kosye. Orphelin. Mensi. Orteil. Chunku. L'os. Ve. Ou bien. O. Oublié. Nde. Oui. Un. Ouvrir. Nji. Oncho. Onko. La paix. Mbwani. Le palmier. Tu. Le panier. Nchie. La panthère. Nenje. Papa. Mba onji. Papier. Nche. Papillon. Ngane. Paquet. Pou. Parapluie. Paxi. Parce que. Mbitouma. Pardon. Le si. Pardonner. Nde si. Paresse. Le. Paresseux. Nde. Parfois. Motam. Parler. Nge. Parole. Re. Partager. Nga. Partir. Ngen onche. Partout. Nkwezu. Passage. Nji. Passant. Ntonji. Patate. Njo. Le pauvre. Mbok. Payé. Mbé. Le pays. La. La peau. Ngom. Le peigne. Kopchu. Osachu. Peindre. Nsi. Pelé. Nku. Onjom. Pencher. Mbé. Pendre. Ncho. Pénis. Nkwo. Percer. Nji. Perdre. Mbie. La perdrie. Soktu. Perdu. Pied. Père. Mba. Permuter. Nchop. Personne. Wenok. Petit. Ko. Pétrole. Nklasi. Onshimo. La peur. Po. Peut-être. Mbentie. Pharmacie. Ndjohu. La photo. Nini. La phrase. Njanu. Le pied. Nku. Le piège. Je. Piégé. Nduje. Piétiné. Ncha. Pilé. Ntu. Le pilon. Nkwe. Le piment. So. La pipe. Nkok. Piqué. Nso. Pirogue. Nkenu. Ometouanchi. Pistache. Nju. La place. Zu. Plafond. Ka. La plaie. Fok. Planté. Njo. Onche. Plein. Lo. Pleurer. Nge ombak. Pleuvoir. Ndo. Plier. Ngo. La pluie. Mbak. La plume. Mfu. Le poème. Yonchini. Poil. Nok. Le poisson. Ndjen. Ombienchi. La poitrine. Kekam. La politique. Nge. La pomme d'Adam. Nchat. Pomme de terre. Njondak. Pondre. Njambum. Onimbum. Le pont. Lia. Le port. Ngene. Le port qui pique. Ngometia. Porcherie. Chine. Le portable, le téléphone portable. Nkunkembo. La porte. Njindia. Porter. Nga. Pou. Nchat. Poubelle. Chofat. Poule. Ngap. Poumon. Pied. Pour. Na. Pourquoi. Nuka. Pourri. Pied. Pourrir. Mbie. Poursuivre. Ni. Pousser. Ntche. Poussière. Vaba. Le poussin. Mengap. Premier. Nchombi. Prendre. Nda. Prenons. Tuizen. Près de. Ngok. Presque. Fob. Presser quelqu'un. Newen. Pressoir. Ya. Prêtre. Fala. Onkamsie. La prière. La si. Prison. Ten. Onje ten. Produit. Njam. Se promener. Nka. Propre. Ndi. La prune. Chia. Puer. Ndam. Puiser. Ntu. Le puits. Mbongshi. Punir. Posi. Ontapi. Puger. Nchok. Le pu. Fi. Tang. Sen. Quantité. Mvok. 40. Mungkwa. 14. Chokwamram. 4. Quoi. 90. Mvu. 80. Mhe. Quelque chose. Taou. Quelqu'un. Taouen. Question. Tessinou. La queue. Nkwe. Qui. Wa. 15. Nchoti mram. Quitter. Ndo. Quoi. Que. Racine. Nga. Raconter. Mbinu. On soknu. La radio. Mbunke. Le rang. Nka. Rapidement. Mwa. Se raser. Nkuchu. Le rat. Ndom. Ombandom. Le récipient. Tchunchi. Recommencer. Mbanto. Récompenser. Ndasi. Réconciliation. Nyansi tapenu. Se reculer. Mfusi. Refaire. Mbangu. Réfléchir. Mesi. Se refroidir. Ni. Refuser. Nga. Regarder. Ndesi onji. Les règles ou menstrues. Mengu. Osen. Regretter. Nche. Les reins. Vu. La reine. Mefu. Remarquer. Nden. Rembourser. Mba. Le remède. Hu. Remercier. Mben. Remplir. Nde. Remuer. Nchusi. Rencontre. Mbom. Rencontrer. Mbomsi. Rendre. Mba. La rentrée. Panjam. Rentrer. Mfu. Ombanjam. Réparer. Nyosi. Repasser. Nsok. Répondre. Mba. Réponse. Pare. Repos. Huesi. Se reposer. Huesina. Respect. Nkuni. Respecter. Nkuni. Respirer. Nje. Ressusciter. Lonewa. Rester. Nsi. Résultat. Nkwachu. En retard. Ncho. Retourner. Mfa. La réunion. Kwesi. Réunir. Nkwe. Réussir. Nto. Le rêve. Nju. Réveiller. Njom. Rêver. Njinju. La révision. Panji. Revolver. Nga. Richesse. Nfu. Rien. Ne osu. Rincer. Ndisi. Rire. Nje. Le riz. Nkwendok. Le roi. Fu. Ronfler. Nku. L'arroser. Mu. La roue. Nku. Rouge. Pa. Rouler. Nzoxi. La route. Menji. Ruche. Ndjodjou. Le sable. Sansa. Le sac. Pu. Sacré. Yossi. Sacrifice. Ndou. Être sain ou en bonne santé. Nten. La saison. Nchenze. Salaire. Penfa. Saleté. Nchancha. Salive. Nchie. Okuka. Salon. Njomu. Saluer. Nchosi. Le sang. Nsi. Sang. Si. Santé. Ve. Saclé. Nso. La sauce. Na. Sauf. Nda. Sauter. Ndat. Sautiller. Ndasi. Savoir. Nji. Le savon. So. Sende. Nga. Scintiller. Ndusi. Scorpion. Nge. Sécher. Nje. Sécheresse. Ra. Secouer. Nchu. Secret. Chap. Secrétaire. Kelok on tchengwani. Seigneur. Nchepu osie ombu. Le saint. Paix. 16. Nchontohomram. Le sel. Ngwa. La semaine. Nga onganze. Semer. Ntche. Sentir. Ndam. 7. Sembu. Septembre. Coucou. Serpent. Nous. Serviette. Chouana. Être seul. Nambundogwen. La sève. Nke. Sévère. Ncho. Siècle. Ngunku. Siffler. Nte. Siffloter. Nte que. Signature. Tchepo olenwen. Silhouette. Nini. Sion. Nya. Singe. Nke. Sinon. Sifab. 6. Ntoho. Sketch. Sio. Soigner. Mfoka. Soir. Mbwanzo. 60. Muntoho. 70. Musembu. Soleil. Nam. Le sommeil. Lo. Sortir. Ntom. Souffler. Mfo. Souffrance. Ngra. Souffrir. Njinga. Soulever. Mbu. Sous. Mbu untok. Le sperme. Nawen. Squelette. Tchina. Succéder. Nzondjo. Successeur. Nzondjo. Sucé. Ne. Sucré. Ndamsok. Le sud. Njamdok. La sueur. Zi. Supporter. Nchamsi. Sur lendemain. Njamzowa. Surveiller. Ndesi. Le tabac. Ndepa. Le tableau. Sipa. La taille. Nchina. Se taire. Nda. Le tambour. Tout. Le tam-tam. Tout. Tâté. Moussi. Le téléphone. Nkunken. Télévision. Mbunken yisi. Oyi menju. Tenir. Nchap. Honteux. Terminé. Mais. C'est terminé. Yamie. Termite. Ngo. Termitière. Ndomngo. La terre. Tcha. Le testament. tenja. Le testicule. Nzen. La tête. Chou. Tété. Nepe. Têtu. Têtu. Tirer. Mfok. Tirer une balle. Ntam. Toi. Wo. Toilette. Zuzu. Ozuni. Onfuni. Le toit. Ndomjo. Le tombeau. Fier. Tomber. Ncho. Tonner. Rambok. Tordre. Nzu. Tortue. Shimonko. To. Wo. Le total. Nkweya. Totem. Yewen. Toujours. Sifa. Tourner. Nsa. Tousser. Nche. Tout. Nkweya. Tradition. Ke. Traduit. Fare. Trahi. Nzoknjam. Le trait. Nka. Traître. Nzokmbo fenbo. Transpirer. Nzi. Travail. Mfo. Travailler. Mfo. Travailleur. Nga mfo. Traverser. Njo. 13. Ncho tamram. Trembler. Nsok. Tremper. Ndat. 30. Munta. 36. Ncho ntohom munta. Très. Ta. C'est très sale. Ya pita. C'est très petit. Ya kota. Tressé. Nkwachu. Ombachu. Tribunal. Njuncha. Tricher. Nisinda. Trier. Ntia. Triompher. Nzam. Oliot nzam. Trois. Ta. Tromper. Mfu. Le tronc d'arbre. Mfu. Le trône. No. Le trou. Mbok. Troublé. Mva. Troué. Ndi. Troupeau. Que. La mouche tchétché. Hok. Tuer. Nji. Ultime. Ndesi. Un ou une. Ta. Onchu. Unanime. Nchunchu. Union. Kwesi. Université. Sukundam. Uriner. Nsi. Va. Ren. Vacances. Yesi. La vache. He. Le vagin. Ncho. On veut. Vaillant. Tuna. Vaincre. Nzam. Valise. Poxy. Vampire. Ndam. Se vanter. Ntoa. On kasi. La vapeur. Yat. Velu. Nog nogwen. Vendre. Mfen. Venir. Msa. Ventre. Vam. Le verbe. Je. La verge. Nkwa. La vérité. Njinde. Le ver. Ntou. Verser. Mfi. On sait. La couleur verte. Yahue. Vertical. Chichi. La veste. Nkuchi. Vêtement. Nji. Vêtir. Nche. Viande. Mba. Vieillard. Mvemba. Vieillir. Mve. Vierge. Lentia. Vieux. Mve. Village. Mbe. Villageois. Wembe. La ville. Tu sais. Le vin. Ndou. Vin. Mumbu. Vipère. Finou. Virage. Mongi. Visage. Si. Visiter. Nge. Onje. Rendre visite à quelqu'un. Ngewen. Vite. Mowa. Voici ça. Yabe. Voilà ça. Yabi. Voir. Nji. Voisin. Ngankamdjo. Voiture. Mechua. La voix. Nji. Voler. Mfwa. Voler, dérober. Njo. Voleur. Nche. Volonté. Nkweni. Vomir. Nju. Le vôtre. Ntonto. Votre. Yé. Vouloir. Nkwe. Vous. Pe. Voyage. Rentum. Voyelle. Njinte. Les yeux. No. Zéro. Ne. La première leçon concerne le corps humain, les nombres de 0 à 10, les pronoms personnels et possessifs. Écoutez et répétez. Chu. Nokchu. No. Nzi. Ntok. Kokomchu. Nchu. Chite. Kokam. Mbo. Mbe. Vam. Nku. Ten. Nse. Lam. Nchombo. Nkop. Zok. Chunku. Dites en féfé. La tête. Chou. Les cheveux. Nok chou. Les yeux. No. Le nez. Nzi. Les oreilles. Ntok. Les lèvres. Kukomchou. La bouche. Nchou. Le cou. Chite. La poitrine. Kukam. La main. Po. Les seins. Mbe. Le ventre. Vam. Le dos. Nku. Les fesses. Ten. Les dents. Nse. La langue. Lam. Les doigts. Nchombo. Les ongles. Nkop. Le genou. Zok. Les orteils. Nchunku. Passons à présent au nombre de 0 à 10. Écoutez et répétez. Nehe. Nchu. Pua. Ta. Kwa. Ti. Ntoho. Sembua. He. Vu. Ram. Dites en féfé. Zéro. Nehe. Un. Nchu. Deux. Pua. Trois. Ta. Quatre. Kwa. Cinq. Ti. Six. Ntoho. Sept. Sembra. Huit. He. Neuf. Vu. Dix. Ram. Les pronoms personnels. Écoutez et répétez. Ya. Yo. Yi. Yo. Ye. Ya. Dites en féfé. Mon ou ma. Ya. Ton ou ta. Yo. Son ou sa. Yi. Notre. Yo. Votre. Yé. Le. Ya. Il existe plusieurs façons de désigner la possession. Comme exemple, écoutez et répétez. Chua. Nok chua. Nchua. Chitea. Tena. Kekama. Noma. Vamza. Lama. Nkuna. Nchuo. Nomo. Vamzo. Nkuno. chui nzimi vamzi nkuni. Dites en féfé, ma tête. Chua. Mes cheveux. Nok chua. Ma bouche. Nchua. Ta bouche. Nchuo. Sa bouche. Nchui. Mon cou. Chitea. Ton cou. Chiteo. Son cou. Chitei. Mes fesses. Tena. Tes fesses. Teno. Ses fesses. Teni. Mes yeux. Noma. Tes yeux. Nomo. Ses yeux. Nomi. Mon ventre. Vamza. Ton ventre. Vamzo. Son ventre. Vamzi. Mon pied. Nkuma. Ton pied. Nkumo. Son pied. Nkumi. Mes doigts. Chumboma. Tes doigts. Nchombomo. Ses doigts. Nchombomi. Exerçons-nous à former de courtes phrases. Écoutez et répétez. Mbomapu. Ngehumbopu. Nzimanshu. Ngehunzinshu. Nchombo maram. Ngehunchombo ram. Ntok mipu. Ahun seta. Dites en féfé. J'ai deux mains. Ngehumbopu. Ou bien. Mbomapu. J'ai un nez. Ngehunzinshu. Ou bien Nzimanshu. J'ai 10 doigts. Ngehunchomboram. Ou encore Nchombomaram. Tu as 2 oreilles. Ohuntokpu. Ou bien Ntokmopu. Il a 3 dents. Nsemita. Ou bien Ahunseta. Cette leçon étant terminée, nous allons faire une brève révision. Dites en féfé. Tiens-tu à 9 doigts? Tiens-tu un chombo vu? Un chombo mi vu? Il a 3 oreilles. Ah, un tokta. Un tok mita. J'ai 2 yeux. Nge un opu. Non, ma peur. Tu as une bouche. Oh, une chouche. Une chouche. Nous avons une bouche. Pas une chouche. Une chouche. Ils ont 4 yeux. Pour une oque. Non, yoque. Vous avez un ventre. Père vamche. Vamienche. Passons à la deuxième leçon. Dans cette leçon, nous verrons les différentes formes de salutation, comment exprimer un besoin, comment demander une faveur et comment dire merci. Nous verrons aussi les membres d'une famille, les objets et les parties d'une maison, les interrogations, les différentes formes de salutation. Le matin, on dit Nzele. On répond Allez-y. Pour demander l'état de santé, le matin on dit Odjembla. On répond Ngedjembente. Lorsque ça va mieux. Le soir on dit Odjendjasi. Ah, Ngedjendjasi. Le soir on dit Oveyo. On répond Ah, Ngeveya. Tu es venu. On répond. Avenhei. Pour demander l'état de santé en journée, on dit. Ovembla. On répond. Ngevembente. Ovenjasi. On répond. Ah, Ngevenjasi. Les salutations de tout le temps. En matinée, en journée ou en soirée. On peut dire Nge chasio. On répond aussi Nge chasio. Mbela. On répond Mbe. Yamela. On répond Yamenak. Tu es moque. On répond Tu es hier. Lorsqu'on veut se séparer pour dire au revoir, on dit Oh. On répond Oh. Oh, ombe. On répond Oh. Oh, lambe. On répond Oh, la. Oh, lambe, l'eau. On répond Oh. Nagmbe pe. On répond Ngepeta. Pour dire à demain, on dit Nzalembe. On répond Nzalela. Nzalé lambalo. On répond Nzalé. Te oulamba. On répond Te oula. Pour dire bonne nuit, on dit Djembe pembe. On répond Djembe pe. Pour souhaiter une bonne soirée, on dit Mbembe mbwanza. On répond Mbembola. Pour souhaiter la bienvenue, on dit Sambe pe. On répond Ngepenta. Sambe. On répond Amba. Merci père. Amma. Merci mère. Lorsque vous trouvez quelqu'un en plein travail, pour l'encourager, vous dites Otepo. On répond Ngetopo. Ou bien Topula. On répond Ngepenta. Voyons à présent comment exprimer un besoin. J'ai comment quoi? J'ai faim. Nge mon quoi nanze ouze. Je veux manger. Nge nze ouze. Je veux manger. J'ai chim mon quoi? J'ai soif. Nge nushi. Je veux boire de l'eau. Nge si. Je veux uriner. Nge ni. Je veux chier. Loza. J'ai sommeil. Nge nje. Je veux dormir. Forme quoi? J'ai froid. Zum ndema. J'ai chaud. Comment demander une faveur? Chicho sena. Haya chicho la. S'il te plaît mon ami, donne ma part de chicho. Chicho mena. Rentun shimbwal. S'il te plaît mon enfant, va me puiser de l'eau. Chichoma. J'aime quoi? S'il te plaît maman, j'ai faim. Chichoma mo. Hayalala. S'il te plaît mon frère, donne ma part d'ignam. Chichon fanfa. Penlal. S'il vous plaît, cher frère, taisez-vous. Comment dire merci? Ngepeno. Je te remercie. Ngepenye fanfa. Merci mes frères. Les objets, il est parti d'une maison. Mbe. La maison. Njindjo. La porte. Kindjo ochondjo. Les clés. Sienjo. Le sol. Ntamjo. La chambre. Kwenjo. Le lit. Mbokndjo. La fenêtre. Nchundjo. La cour. Njamjo. La zone arrière de la maison. Njele. La cuisine. Lak. La chaise. Ka. L'assiette. Lou. La cuillère. Pied. Le couteau. Ngande rentamjo. Ngande est allé dans la chambre. Ngene kwenjo. Je suis couché au lit. Osinalak. Tu t'es assis sur la chaise. Achatka. Il a cassé l'assiette. Opualou. Tu as brisé la cuillère. Les membres d'une famille. Mba. Le père. Ma. La mère. Mou omen. L'enfant. Mba ndam. Le grand-père. Mandam. La grand-mère. Ngambi. L'aîné. Nganjam. Le cadet. Mama. Le frère. Mungue. La femme. Mba. L'homme. Pouni onganjo. Les jumeaux. Meni. La mère des jumeaux. Tani. Le père des jumeaux. Nkakmeni. Les cadets de jumeaux. Mevo. Ma mère. Me. Ta mère. Ma. Sa mère. Mbo. Mon père. Mbe. Ton père. Mba. Son père. Mevo jina naouze. Ma mère s'est préparée. Mbo jina sentui. Mon père sait fendre le bois. Mba singebe. Un homme ne pleure pas. Mjuenjue. Une femme rit. Ndenkabzimumba. Deux caps à accoucher d'un garçon. Apandogle. Il est comme un blanc. Chok nous l'aime si meni bob. Chok nous dit que ce n'est pas son fils. Makafoni. Qu'il ne lui ressemble pas. Ngambiam yadwen. Mon aîné est un nain. Ngosanchi. Je suis plus élancé que lui. Voyons à présent les mots utilisés pour interroger. Su. Combien? Nha. Où? Que. Quoi? Nous que. Pourquoi? Wa. Qui? Waba. C'est qui? Sen. Quand? Me la. Comment? Ya. Quel, lequel ou laquelle? Toi su. Combien de têtes as-tu? Toi su. J'ai une tête. Koka moha. Vous répondrez en frappant sur votre poitrine. Koka mabe. On dit zupika. Avec quoi vois-tu? Ngenji zupinoma. Je vois avec mes yeux. Ova minuka. Pourquoi l'as-tu tapé? Mbitume akama. Parce qu'il m'a attaqué. Waba mnjwasi. Qui bavarde? Tuko ba. C'est Tuko. Ndenkable zisen. Deux caps avaient accouché quand? Alezinjamze waha. Elle avait accouché avant-hier. Ponten bifume la. Comment est-ce qu'on se tient devant le chef? Pombe nasien bif. On se courbe devant le chef. Tiani. Où est Tiani? Antamdjo. Il est dans la chambre. Amunguke. Il fait quoi? Amundje apwa. Il dort, il est fatigué. On fume. Tu viens d'où? Ngunfume Wusena. Je viens de chez mon ami. Exercice. Répondez aux questions suivantes. Zenzoma wa. On sima ha. Omenguka. Dites que vous apprenez le patois. Onakpika. Nkumosu. Yaha. Vamzoha. Yasu. Onjepika. Nzimoha. Menjei. Dites non, elle est sortie. Arenmaha. Dites qu'elle est allée au champ. Ngambionjei. Dites oui, il est à la cuisine. Omenjueke. Dites que Ngeutche vous chatouille. Yam langue mal. Dites que ça va bien. Nukam mbi. Dites que sa femme a accouché d'un garçon. Solution de l'exercice. Zenzoma wa. Quel est ton nom? Zenzama Chamna. Mon nom c'est Chamna. On sima. Où habites-tu? Ngensimfa. J'habite à Bafan. Omenguka. Tu fais quoi? Ngemjisirela. J'apprends le patois. Onakpika. Avec quoi marches-tu? Ngenakpinkuma. Je marche avec mes pieds. Nkumusu. Combien de pieds as-tu? Ngehunkumba. J'ai deux pieds. Ou bien? Nkumapu. Yaha. C'est où? Yabe. Voici ça. En touchant vos pieds. Vamzoha. Où est ton ventre? Vamzabe. Voici mon ventre. Yasu. C'est combien? Yanshu. C'est un. Onje pika. Avec quoi respires-tu? Ngenje pinzima. Je respire avec mon nez. Nzimoha. Où est ton nez? Nzimabe. Voici mon nez. Menjei. Ta mère est-elle là? Nga atom. Non, elle est sortie. Arenmaha. Où est-elle allée? Arenmoko. Elle est allée au champ. Nga ambionjei. Ton aîné est-il là? Ah, Angele. Oui, il est à la cuisine. Omjeko. Tu ris de quoi? Ngenchem ngasia. Ngenchem chatouille. Yam la ngemale. Comment ça va ngemale? Yam nok. Ça va bien. Nous comme mbi. Pourquoi est-il content? Njuizi mumba. Sa femme a accouché d'un garçon. Ndaya. Je prends lequel? Yakol. Ce qui est petit. Examen du chapitre 1. Vous ferez cet examen avec quelqu'un qui maîtrise la langue. Celui-ci calculera votre pourcentage. Il est conseillé de ne passer au chapitre suivant que si vous avez un pourcentage supérieur à 80%. Ne composez l'examen que si vous êtes suffisamment préparé. Si vous êtes prêt, sans plus tarder, répondez aux questions suivantes. Zenzoma wa onsimha ohunchombosu onakpika nomoha onjunupika ntokmosu omunguka. Dites que vous apprenez le patois. Mbenjei. Dites oui, il dort. Menjei. Dites non, elle est sortie. Arenmaha. Dites qu'elle est allée au marché. Arenhuka. Dites qu'elle est allée acheter mes chaussures. Lundemaha. Dites qu'ils vendent les habits. Vamzoha. Yamela. Dites que ça va bien. Nzele. Tu aimes que? Lorsqu'on vous dit Sambepe, comment répondez-vous? Donnez deux façons de dire au revoir lorsqu'on se sépare. Vous rencontrez quelqu'un en plein travail pour l'encourager. Que dites-vous? Pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un, que dites-vous? Dites en fait et fait. Je suis un homme. Je suis une femme. J'ai mal au ventre. J'ai froid. Je suis malade. J'ai faim. Je veux manger. Je veux dormir. Ma mère me tresse. Mon père est un chasseur. Dungwe a volé ma nourriture. Je mange le maïs. Je brosse mes dents. Je lave mes habits. Je lave les marmites. L'enfant pleure. Tiani arrive. On frappe à la porte. Dites qui est-ce. Traduisez en français. Nkuna munja. Nsema munde. Ntok mapi. Simbu mzu. Mbak mundo. Nam muncho. Ngohu nokchu. Chucho hayalo. Nge kweota. Nke meni mungandjo. Chapitre 2. Ce chapitre contient les temps verbaux, les auxiliaires, le pluriel des mots et la négation. Les temps verbaux et les auxiliaires. Première leçon. Les temps verbaux et les auxiliaires. Le présent. J'ai comme quoi? J'ai faim. Singwe mufuko. Singwe rentre du champ. On la voit rentrer. Amungente fenku. Elle va au marché vendre les ignames. Kwenka mchimu. Kwenka nourrit l'enfant. Muntia konje. Monterie. Akonchimu mzokpui. Il nourrit l'enfant et lèche ses mains. Le passé composé. Choknu jouzia. Choknu a volé ma nourriture. Afun jouzia fonzo. Il a volé ma nourriture le matin. Ono so tam nalot. Tu as trop mis du piment dans cette sauce. Pofungente fonzo. Nous sommes allés au marché le matin. Ngenunduze. J'ai bu le vin aujourd'hui. Pefunge chasina namhe. Vous êtes allé à la fête à 8 heures. L'imparfait est le plus que parfait. Jande le sokwe siwaha. Jande était venu à la réunion hier. Nkamsu korosowa. Kamsu avait écrasé le piment hier. Happy le folier moto. Happy avait trop travaillé l'autre jour. Nke yino sukuwaha. Je t'avais vu à l'école hier. Ndefen chucho liente. J'avais vendu le chucho le jour du marché. Le passé lointain. Ndelongun che yindamula. J'avais été malade dans l'enfance. Le futur. Le chien attrapera la viande au champ. La poule mangera le canquelin. À que vamo? Il va te taper. Pour que renou fala? Nous irons chez le prêtre. Le futur lointain. Je serai quelqu'un. J'aurai la voiture un jour. En bref, pour les temps verbaux, il est bon de retenir que les auxiliaires le et que renvoient à une action passée il y a au moins un jour. Exemple. Happy le renfawa. Happy était allé au travail hier. Ngaka que sen kumuwa. Le guérisseur avait massé le pied de l'enfant hier. Pour le passé lointain, on utilise l'expression la. Exemple. Me voilà renou, monsieur. Ma mère bégayait quand elle parlait. De langue mbou, oleyou. Je t'avais dit, tu n'as pas écouté. Les auxiliaires ko, me et mu. Quant à eux, renvoie au présent. Exemple. Nambu konsonei. Nambu se lave. Gande muzenchi. Gande danse. Woman chonjinja. Qui ouvre la porte. Au futur, on ajoute simplement le son que ou bien un i devant le verbe à conjuguer. Exemple. Nke yemba liente. J'achèterai la viande le jour du marché. Je vais dire à ma mère. Pour le futur lointain, on utilise les expressions inda ou bien que là. Exemple. Je me marierai un jour. Poangap accouchera un jour. Remarque. Lorsqu'on n'utilise aucun auxiliaire, on se retrouve au passé composé. Exemple. J'ai couru. J'ai préparé la sauce. Je suis allé au champ. Il a fendu le bois le matin. En langage soutenu, on peut ajouter l'auxiliaire fu pour conjuguer au passé composé. Exemple. Il a fendu le bois le matin. Leçon 2. Passons à présent au pluriel des mots. Pour trouver le pluriel de plusieurs mots, il suffit d'ajouter N devant le mot. Exemple. Ka. L'assiette au pluriel. Nka. Les assiettes. Tout. La tête. Ntou. Les têtes. Tu. L'arbre. Ntu. Les arbres. Se. La dent. Nse. Les dents. La plupart des mots commençant par le son P se transforment au pluriel en mb. Exemple. Po. La main. Au pluriel. Mbo. Les mains. Pa. Un morceau. Mba. Des morceaux. P. La maison. Mbe. Les maisons. Peza. Ma maison. Mbema. Mes maisons. Paxia. Mon parapluie. Mbaxima. Mes parapluies. La plupart des noms commençant par M sont invariables. Exemple. Mfa. Le travail. Mvua. Le chien. Mo. Le feu. Mvene. L'herbe. Mvi. La chèvre. Comme exception, nous avons Mou. L'enfant. Pou. Les enfants. Mena. Mon enfant. Pumba. Mes enfants. Mujue. Une femme. Mujue. Les femmes. Mengu. Une jeune fille. Pungu. Les jeunes filles. D'autres mots par contre ne respectent aucune règle. Exemple. Ou. Une chose. Zou. Les choses. Z. Un œil. No. Les yeux. Je. La joue. Nga. Les joues. Tous les mots commençant par ne sont invariables. Exemple. Nchou. La bouche. Nounou. La chenille. Ngwa. Le sel. Nka. L'argent. Exercice. Traduisez les phrases suivantes en féfé. Mon cadet est un garçon. Mon aîné est venu ce matin. Ma mère ira au marché demain. Mon père aime trop la viande. Je veux me laver. J'ai froid. J'ai chaud. Je veux me laver, mais j'ai froid. L'enfant est dans la cour. L'enfant a uriné dans la cour. Nous étions à la fête hier. Traduisez cette fois en français. Mbaglelowa. Namketioze. De langue me tient un fin. Solution de l'exercice. Mon cadet est un garçon. Nganjab mama tamba. Mon aîné est venu ce matin. Ngambia sazfonze. Ma mère ira au marché demain. Me voyingente ou. Mon père aime trop la viande. Mbonkwembata. Je veux me laver. Ngamonkwenansona. J'ai froid. Forme quoi? J'ai chaud. Zumundoma. Je veux me laver, mais j'ai froid. Ngomonkwena sona ndama forme quoi? L'enfant est dans la cour. Mouchundio. L'enfant a uriné dans la cour. Moussinchundio. Nous étions à la fête hier. Pola chasiwa. Traduisez cette fois-ci en français. Mbaglelowa. Il avait plu hier. Nam que tchose. Il va faire soleil aujourd'hui. De langue me tchoua t'un fin. J'avais eu la voiture avant de la vendre. Voyons à présent comment mettre les phrases à la forme négative. Pour mettre une phrase à la forme négative, on utilise le mot « si » à tous les temps, sauf au passé composé où on utilise plutôt le mot « que ». Exemple, au passé composé, Poche mucho. Nous avons appelé monter. Poche mucho. Nous n'avons pas appelé monter. Ngefunzo uze fonzo. J'ai mangé le matin. Ngefunzo uze fonzo. Je n'ai pas mangé le matin. Au plus que parfait. Ngenundwa. J'avais bu le vin hier. Ngesinundwa. Je n'avais pas bu le vin hier. Ndetunshi. J'avais puisé de l'eau. Ndesitunshi. Je n'avais pas puisé de l'eau. Ndelangunchapiyo. J'avais eu les problèmes avec lui. Ndesilangunchapiyo. Je n'avais pas eu de problème avec lui. À l'imparfait. Ndasochankwelie. Je lavais les marmites chaque jour. Ndasinsochankwelie. Je ne lavais pas les marmites chaque jour. Au présent et au futur. On utilise toujours le mot si. Mais cette fois-ci, on termine la phrase par b. Exemple. Amunjonshi. Il chante. Asimunjonshi b. Il ne chante pas. Omunzenshi. Tu danses. Osimunzenshi b. Tu ne danses pas. Examen chapitre 2. Dites en Féfé. J'ai bu le vin hier. J'irai à l'école demain. J'ai bu de l'eau ce matin. Je m'étais lavé avant-hier. Je n'irai pas au champ demain. J'étais chez vous hier. Je n'ai pas appelé Singwe. Mon frère a uriné au lit hier. Notre enfant n'a pas pleuré aujourd'hui. Il avait pleuré hier. J'ai puisé l'eau ce matin. Mettez les phrases suivantes au pluriel. Singwe rumu. Nancy tchatka. Seza munja. Poa munde. Nge rumvi. Nge yi munjue ma munge. Mettez les phrases suivantes au singulier. Ngeyi pungum pumenzenchi. Puzuzi pie. Nomi munja. Nomi munja. Dites en fait, j'ai 9 enfants. Mon œil me fait mal. Mon sein fait mal. J'ai 2 seins. Chapitre 3. Première leçon. Les nombres de 11 à 100. Révisons tout d'abord les nombres de 1 à 10. Allons-y tous ensemble. Répétez après la lecture. Nchu. Pua. Ta. Kwa. Ti. Ntoho. Sembre. He. V. Ram. 11, c'est 1 et 10. On dira en féfé. Nchonchumram. 11. Nchopromram. 12. Nchotamram. 13. Nchokwamram. 14. Nchotimram. 15. Nchontohomram. 16. Nchosembrumram. 17. Nchohumram. 18. Nchovumram. 19. Mumbra. 20. Nchonchumumumbra. 21. Nchopumumumbra. 22. Nchotamumumbra. 23. Ainsi de suite jusqu'à. Nchovu mumuvu. 29. Munta. 30. Nchon shimemunta. 31. Munkwa. 40. Nchon shimemunkwa. 41. Munti. 50. Nchon shimemunti. 51. Muntoho. 60. Nchon shimemuntoho. 61. Musumbu. 70. Nchon shimemusumbu. 71. Muhe. 80. Nchon shimemuhe. 81. Mouvu. 90. Nchon shimemuvu. 91. Nchon pumemuvu. 92. Nchon tamemuvu. 93. Nchon kwamemuvu. 94. Nchon timemuvu. 95. Nchon tohomemuvu. 96. Nchon sembumemuvu. 97. Nchon hememuvu. 98. Nchon vumemuvu. 99. Nku. 100. Voyons à présent quelques règles de conjugaison. Lors de la conjugaison, le son g se transforme en r pour certains temps verbaux. Exemple, le verbe parler. Ng. Au présent. Ng mng. Sans changement. Au passé, on dira ng rembui. Je lui ai dit. Al rembui. Il lui avait dit. Al rembui. Il lui disait. Au futur, on dit ng ingembui. Sans changement. Un autre exemple, le verbe aller. Ngen. Ngem ngenko. Je vais au champ. Ngerenko. Je suis allé au champ. Nderenko. J'étais allé au champ. Ngeyingenko. J'irai au champ. Les verbes en mb se transforment en p. Exemple, le verbe flatter. Mbasi. Ngem mbasi mu. Je flatte l'enfant. Nge pasi mu. J'ai flatté l'enfant. Nde pasi mu. J'avais flatté l'enfant. Nge imbasi mu. Je flatterai l'enfant. Les verbes en nde se transforment en le. Exemple, le verbe dire. Nden. Nge mnden bipo. Je leur dis. Nge len bipo. Je leur ai dit. Nge inden bipo. Je leur dirai. Le verbe montrer. Ndasi. Nge mndasi. Je montre. Nge lasi. J'ai montré. Nde lasi. J'avais montré. Nge indasi. Je montrerai. Les verbes en je se transforment en je. Exemple. Le verbe acheter. Ndjen. Ngem ndjen. J'achète. Nge yuen. J'ai acheté. Nde yuen. J'avais acheté. Nge indjen. J'achèterai. Le verbe entendre. Ndjou. Ngem ndjou. J'entends. Nge you. J'ai entendu. Nde you. J'avais entendu. Nge indjou. J'entendrai. Le son de, les règles d'hygiène et de propreté. Pundi zo uzem pusombo. Menanzo uzem bansombo. Se laver les mains avant et après chaque repas. Punsondi nsok tensonawen mbendi fi. On lave les habits et on les repasse avant de les porter, même les habits neufs. Nansi kakutui nchachutui. Nansi ne sait pas coiffer. Il a l'époux. Yape mwen kutui nkwenganzo. C'est bien de se coiffer chaque semaine. Mbaka pepi nokchu. Un homme est laid avec les cheveux. Chokonti ankok nkobi nkwenga. Chokonti se taille les ongles chaque semaine. Andeta. Il est très propre. Tuko kashun semi. Toko ne sait pas brosser les dents. Mm. Yam ndam. Yish. Ça pue. Ya pemme wen shun se min kwelye. C'est bien de se brosser les dents chaque jour. Mungwen kranchita. Mungwe fuit trop l'eau. Asin kwen nan sonab. Il n'aime pas se laver. Yambe liye yi pou nan kwen dogle. Asoni. Le jour qu'on prépare le riz, il se lave avant que la nourriture ne cuise. Ya pena son an kwelye. C'est bien de se laver tous les jours. Pousinzo ouze me ya pab. On ne mange pas la nourriture fade. Pousinzo ouze me ya ni si lom sib. On ne mange pas la nourriture froide sans la réchauffer. Muncha za tok me ya pa. Montez à manger la banane fade. Chouchou pili. Il a attrapé une diarrhée. Amunfi yamundam. Quand il pète, ça sent mal. Yaka pena finga punok. Ce n'est pas bien de péter en public. Punambote yapitun fat. Bien cuire la viande avant de manger. Si fab munten biwen. Autrement, on attrapera les vers. Ponson te tutun fat. On lave les fruits avant de manger. L'intonation. Comme en français et dans la plupart des langues, un mot n'a de signification que dans un contexte. Dans la langue féfé et dans la plupart des langues africaines, l'intonation change complètement le sens du mot. Exemple. Mbé. La maison. Mbé. Payer. Mba. Un homme. Mba. Un noyau. Mba. Le père. Mba. Le bouton. Mba. Rendre. Mbie. Être perdu. Mbie. Les poumons. Mbie. Les couteaux. Mbok. Le trou. Mbok. Le pauvre. Ncho. Enlever. Ncho. Le sexe de la femme. Nchat. Le pouls. Nchat. Cassé. Ndi. L'habit. Ndi. Amer. Ndé. Clair. Ndé. Lamenté. Ndé. Les cornes. Ndé. Paresseux. Ndé. Préparé. Ndé. Médisance. Ndu. Caché. Ndu. Se blesser. Ndu. Diluer. Ndu. Aller horizontalement. Ndu. Liane de bambou. Ndom. Chaud. Ndom. Mordre. Ndok. L'homme blanc. Ndok. Le bambou. Ndam. Sentir. Ndam. Vampire. Ndat. Sauter. Ndat. Tétanos. Ndat. Tremper. Mfi. Péter. Mfi. Bouillir. Fa. Bafan. Fa. La croix. Ngo. La pierre. Ngo. Écraser. Ngo. Les termites. Nge. La politique. Nge. Se balader. Ngen. Aller. Ngen. Étranger. Nji. Tuer. Nji. La route. Nje. Sécher. Nje. Respirer. Ni. Le coupe-coupe. Ni. Chier. Nzo. Manger. Nzo. Dehors. Nzo. Titre de noblesse. Nzu. Tordre. Nzu. Les hiboux. Nzu. Cultiver. Zen. Le nom. Nzen. Testicule. Nzok. Lécher. Nzok. Un fagot. Nzok. Tourner. Nzat. Lourd. Nzat. Les excréments. Nchu. Un. Nchu. Secouer. Ngwa. Le sel. Ngwa. Les gens de la même génération. Exercice. Traduisez en féfé. J'ai 15 ans. Ma mère a 52 ans. Mon aîné a 28 ans. Mon grand-père a 100 ans. J'ai faim. Je vais me coiffer. Je lave mes mains. Je me lave. Je chauffe la sauce. Mon petit frère se brosse les dents. Les jumeaux sont très propres. J'ai acheté un habit neuf. J'achète mes habits. J'avais acheté la viande hier. Je suis malade. J'attrape la poule. J'ai attrapé la chèvre. J'attraperai le porc le jour du marché. Je mange la nourriture dehors. J'ai acheté 13 champignons. Traduisez en français. Ngeyindak. Otuindak. Zenzam yumbi. Zemamunja. Examen du chapitre 3. Dites en féfé. J'ai vu 16 chèvres. Ntoko a 29 ans. J'ai acheté 67 poules. J'achète les poules. J'ai flatté l'enfant. Je flatte l'enfant. Tiens, tu es trop chiche. Il m'a refusé sa viande. Ma mère partage la nourriture. Elle l'a partagée à tout le monde. C'est bien de se coiffer chaque mois. On ne mange pas la nourriture fade. Mon père a 83 femmes. Il a 99 enfants. Il pleut dehors. Je mange la patate. J'ai acheté la patate hier. Je n'aime pas les champignons. J'étais malade le jour du marché. L'homme blanc coupe les bambous. Les excréments sentent. Le fagot de bois pèse. Mets le sel dans la sauce. Es-tu un étranger? Je vais à l'école. Chapitre 4. Conversation. Dans cette partie, deux personnes, l'une A et l'autre B, vont dialoguer. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Répétez après moi et en féfé. A, salut. B, salut. A, comment tu t'appelles? B, je m'appelle, vous donnez votre nom. A, où habites-tu? B, pourquoi? A, je veux savoir. B, j'habite à Mindon. Je ne connais même pas ton nom. A, je m'appelle, vous donnez votre nom. B, tu es originaire d'où? A, je suis Bafan. B, quel âge as-tu? A, j'ai 17 ans. Et toi, quel âge as-tu? B, je ne sais pas. On ne m'a jamais dit mon âge. A, tu es mon cadet. B, non, je suis ton aîné. J'ai fait la chasse avant qu'on ne t'accouche. A, je suis en retard. Je vais au travail. B, moi aussi, je vais à l'école. A, au revoir. B, à demain. Solution. A, Mbele. Salut. B, Mbe. Salut. A, Zenzomowo. Comment t'appelles-tu? B, Zenzam Le Meni. Je m'appelle Le Meni. A, Onsime. Où habites-tu? B, Nuka. Pourquoi? A, Ngomonkwen Beji. Je veux savoir. B, Ngonsime Mendon. J'habite à Mendon. Ngokajim Bezenzo. Je ne connais même pas ton nom. A, Zenzam Yameni. Je m'appelle Yameni. B, Omemiaha. Tu es originaire d'où? A, Ngomemiafa. Je suis originaire de Bafan. B, Quel âge as-tu? 1. J'ai 17 ans. Et toi, quel âge as-tu? B. Je ne sais pas. On ne m'a jamais dit mon âge. A. Tu es mon cadet. B. Non, je suis ton aîné. J'ai fait la chasse avant qu'on ne t'accouche. A. Je suis en retard. Je vais au travail. Moi aussi, je vais à l'école. A. Oh. Au revoir. B. T'es où? À demain. Voici à présent quelques histoires qui vous aideront à mieux comprendre la langue. Histoire raconte. Gangoup et Nambu m'fanbia. Gangoup et Nambu mangent les arachides. Ngechasiya pour le lenu. Je les ai salués, ils n'ont pas répondu. Ngeyi Nambu ndembim. J'ai vu Nambu et je lui ai dit. Tchosena. Chomsim vakin de ho po ozal. S'il te plaît, mon frère, souviens-toi que je t'avais donné mon champignon. A pamboam losa. Oyim biamboa tunde fai. Nka chomsi. Il m'a répondu, Fulkan. Tu dis ça parce que tu m'as vu avec les arachides. Je ne me souviens de rien. Pou jambiamey ngeyin suki. Ils ont volé les arachides de leur mère. Je vais le lui dire. Mandre fuko ale yimbianandena. Mandre est rentrée du champ. Elle n'a pas vu les arachides pour faire la sauce. Ngangom lembuim tuaku benfat. Gangob lui a dit que c'est la souris qui a mangé. Afuma yak penan fuwen. Il a menti à sa mère. Ce n'est pas bien de tromper quelqu'un. Histoire raconte. Tuku est trop chiche. Ombitendubiwi amanchuiwa ndenbuma yamie. Quand tu lui demandes sa chose, il met tout dans sa bouche et te dit que c'est fini. Ankwewuzata. Il aime trop la nourriture. Ombi tendouzi a ten tientam. Quand tu lui demandes sa nourriture, il crache dedans. Obi tenhoumbi kwantie. Mbandoubi. Manden msi yibob. Mayimbi nab. Si tu lui donnes quelque chose maintenant et tu lui demandes, il dira que ce n'est pas pour lui, que c'est pour Bina. Il est tellement chiche au point de l'être avec sa maman natale. Histoire raconte. Pingouin Kresoukou. Pingouin fuit l'école. Ma pingouin fata. La mère de Pingouin travaille trop. Ando sien kwe liye ten kwe pu. Elle se lève chaque jour avant tout le monde. Ansona pingouin kwelie taren tsuku. Elle lave pingouin chaque jour avant qu'il n'aille à l'école. Ponden bui maren tsuku alen ma mungu. Quand on lui dit d'aller à l'école, il dit qu'il est malade. Pobiten han makalambui ayasi. Quand on lui donne les beignets, il guérit. Anke tsuku ngem mchimba. Il fuit l'école pour aller concasser les palmistes. Ahambambi punke suku nankombu. Il donne les palmistes aux élèves en échange de la craie. Aloke suku waha ngengjokvu. Il a fui l'école hier pour aller à la chasse. Posembin chim pingwe nke suku. Ses camarades l'appellent pingwe, déserteur de cours. Histoire raconte. Mungembe mangwe. La femme est la mère de l'humanité. Mami que nando sienkwelie nanapta. Mami Kena se lève chaque jour à 3 heures. Allo siéze nanapur. Elle s'est levée aujourd'hui à 2 heures. Amuna ouze pumbi. Elle fait à manger pour ses enfants. Amena naouze nanapta. Elle a fini la cuisson à 3 heures. Amun kamju. Elle décortique les pistaches. Elle attend qu'il fasse jour pour aller au champ. Wokta, Fankam, Pelosie, Nzoyale. Wokta, Fankam, debout, il fait déjà jour. Maman loya ziambe. Maman, j'ai encore sommeil. Hé, hey, penlo siengue soukou. Hé, hey, levez-vous pour l'école. Ngwa le msona pumbi. Ngwa le lave ses enfants. Atweya pimbe nji. Elle les a vêtus avec de beaux vêtements. Amntiya pisankwa. Elle est nourrie avec le couscous de maïs cuit. Poumé nanzo ouzengen soukou. Elles ont fini de manger et sont allées à l'école. Ndou maminke yamundje. Le mari de maminke dort encore. Massa Yakob, l'osier, namhe yakou. Massa Yakob debout, il est déjà 8 heures. Massa Yakob ambui maniki adje ma poota. Massa Yakob demande à sa femme de le laisser dormir. Il est très fatigué. Ngwale ren konzunyo. Ngwale est allé au champ cultivé. Alalio nanfuko. Elle est rentrée du champ avec les ignames. Ndwive mbentamda pisembi. Son mari est resté à la maison pour jouer au ludo avec ses amis. Il n'a même pas fendu le bois. Maminke a fendu le bois pour préparer les ignames de son mari. Elle aime son mari autant que son enfant. La femme est la mère de l'humanité, d'après une histoire vraie. Histoire raconte. Tung Kumfa. Tung fuit le travail. Yale Satalie. Il fuit un jour. Malenbui Maren Tunchi. Sa mère lui a dit d'aller puiser de l'eau. Alen Mutui Munja. Il a dit qu'il avait les maux de tête. On lui a donné les remèdes à boire. Sa mère alla puiser l'eau pour la cuisson. Quand la nourriture a cuit, Tung a guéri. La mère de Tung lui a demandé s'il était guéri. Il répond à sa mère que ça va mieux. Tung le menanzo ouze ndunshinunu. Tung avait fini de manger et avait demandé de l'eau à boire. Mahamvanbui manu mayamfa yachu. Sa mère lui donna l'huile à boire, que ça soigne les maux de tête. Quelques proverbes. Pouche sin kwa pouba. L'union fait la force. Pouche nun wab. Après une parole bien parlée, on n'en rajoute plus rien. Ndoualom bendjo. Nchisa le fati. La présence d'un aîné évite tout désagrément lors d'une discussion. Pounji lemmanjo kape. Mouabofunu. La saveur d'un repas dépend de celui qui le prépare. Ndanda bambenu. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On ne lance des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Si tu es pressé de faire un enfant, tu épouseras une femme enceinte. Quand le singe n'arrive pas à cueillir les noix de palme, il dit que c'est pourri. Le vent qui emporte les arbres n'empêche pas à l'oiseau de s'envoler. Si l'on veut du miel, il faut accepter la piqûre des abeilles. Si tu as quelqu'un au prunier, tu mangeras des prunes bien noires. La banane qui doit mûrir, mûrit même dans l'eau. Quand les éléphants bagarrent, ce sont les zèbres qui souffrent. Lorsqu'on lave quelqu'un, il frotte au moins son ventre. Si tu commences, tu peux finir. Mais si tu ne commences pas, tu finiras quoi? La mouche a beau voler, mais elle ne deviendra jamais un oiseau. Aussi fanchi, yiyatam jokle, mbi chumo yumbak. Ne verse pas le contenu de la dame Jeanne parce que la pluie arrive. Elle peut vous jouer un sale tour. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Si l'eau est insuffisante pour se laver le corps entier, il faut se laver au moins la face. Le coq qui chante aujourd'hui ne doit pas oublier qu'il vient d'un œuf. Si quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Mets ta charge sur tes genoux. On t'aidera à la mettre sur ta tête. Si l'on ne sait pas où on va, on doit au moins tâcher de savoir d'où on vient. Un seul morceau de bois donne la fumée, mais pas le feu. Si tu sais marcher, tu peux danser. Et si tu sais parler, tu peux chanter. Le pied de derrière ne suit que celui de devant. Si tu as peur de rêver, il ne faut pas dormir. Quand le serpent mord quelqu'un, il fuit les mille pattes. Examen du chapitre 4. Donnez 5 proverbes en Féfé. Vous recevez un étranger chez vous. Dites-lui bienvenue et posez-lui 10 questions. Si possible, racontez-lui une histoire. Chantez l'hymne national du Cameroun. Pombezo, pomezo, pomfanfantumba, wusihelab, pahamandasiema, peyuhentam. Page ici relabé. Pétienne Nkunkembu V. Quo. Ti. Menito. Meniti. Nangu Mipo. Paye Bantemo. Nantin Pébahé le Watemien. Yimba Manda Sipongwe Wenma. aposi ben kale. Ok, osi piembalo. Pa peye to.